Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le Burundi vient de bénéficier d'un don de 95 millions d'euros de la part de l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi précise que ce don concerne essentiellement les secteurs de développement. Et la ministre de la Santé n'est pas inquiétée outre mesure par le retrait des subventions du Fonds mondial de ses services pour gestion. Dr Josiane Nijimbele explique que les 30 millions de dollars n'ont pas été utilisés pour diverses raisons. Et à la veille de la commémoration du 24e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, le parti Frode Bunyakuri demande au gouvernement de retirer le dossier de l'assassinat du président Ndadaye Melchior sur l'agenda de la commission Vérité et Réconciliation pour le confier à la justice burundaise. Voilà pour ces quelques titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, l'Union européenne a octroyé ce vendredi un don de financement de 95 millions d'euros au gouvernement burundais. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi précise que ce don s'inscrit dans le cadre du programme de l'Union pour le Burundi et concerne essentiellement les secteurs de développement. L'ambassadeur Wolfram Vetter dit que l'Union européenne continue le dialogue avec le pays pour réengager entièrement la coopération et lever les mesures prises contre le Burundi. On l'écoute. Le contexte est facile. On a un programme pour le Burundi, l'Union européenne a un programme pour le Burundi qui couvre 6 ou 7 ans. Et ça, c'est une partie de l'argent qui était alloué au Burundi qu'on vient de signer, où on a identifié les secteurs dans lesquels on va travailler ensemble pour le bénéfice de la population. Ça montre que l'Union européenne reste engagée au Burundi avec des montants assez importants et dans les secteurs qui sont vraiment, je crois, très pour aider la population. L'Union européenne, dans ces derniers jours, avait imposé des sanctions contre le gouvernement burundais de ne pas appuyer le gouvernement dans certains secteurs. Est-ce qu'il s'agit d'une manière de lever ces sanctions ou encore à quand la levée de ces sanctions? Bon, il faut peut-être clarifier qu'il n'y a pas de sanctions contre le gouvernement. Ce qui est vrai, il y a des mesures appropriées conformément à l'article 96 de l'accord de Cotonou. Et dans ce contexte-là, l'Union européenne, comme beaucoup de partenaires, ont gelé leur coopération directe avec le gouvernement, le soutien direct au gouvernement. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête la coopération entière. Nous n'avons pas imposé des conditions, mais nous avons nos principes, nos valeurs que nous avons formulées dans la décision de l'article 96 l'année dernière. Et on est en dialogue avec le gouvernement. On essaie ensemble de résoudre ces problèmes pour réengager entièrement notre coopération. Ambassadeur Wolfram Vetter, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, dont les propos ont été recueillis par Alain Désiré Boukeyenez. Il n'y a pas de torchon qui brûle entre le Burundi et le Fonds mondial parce qu'il n'a pas retiré son aide au pays. Déclaration de la ministre de la Santé lors de la présentation des réalisations du ministère durant le troisième trimestre. Dr Josiane Nijimbele a indiqué que la lettre du Fonds mondial a été mal interprétée. Pour elle, l'important n'est pas de savoir qui gère les fonds, mais plutôt que la population burundaise soit servie comme il le faut. Sinon, le ministère de la Santé se donne une très bonne note. Quant à ses réalisations, suivez la ministre, Dr Josiane Nijimbele. Moi, à mes valeurs, je me donnerais 100% puisque tout ce que nous avons programmé comme activité au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a été réalisé. Nous avons mené toutes les activités en rapport avec la prévention. Nous avons mené toutes les activités en rapport avec le traitement et le médicament a été disponible. Donc, nous avons un bon score parce que il n'y a pas eu de décès suite à tel ou tel autre manquement au sein du ministère. Vous avez appris qu'il y a eu une lettre qui a été adressée au gouvernement du Burundi par le Fonds mondial. Le Fonds mondial a écrit au Burundi que le gestionnaire principal des fonds du Fonds mondial va être le PNUD. La première chose que je veux signaler, c'est que cette décision, ce n'est pas pour la première fois qu'elle soit prise pour un pays. Elle a été déjà prise pour d'autres pays. Ce que j'aimerais signaler, c'est que il n'y a pas de torchon qui brûle entre le Burundi et le Fonds mondial. Parce que le Fonds mondial n'a pas dit qu'il retire les fonds qu'il octroyait au Burundi. Nous sommes en procédure de demande de fonds pour la période 2018-2020. Et les procédures continuent. Les sous-respirandaires, qui sont les programmes, vont rester à leur œuvre. Nous sommes désolés. La lettre a été très mal interprétée. C'est comme si ça n'allait pas. Autant les fonds vont rester, c'est-à-dire que ce que nous attendons comme Burundais. Le résultat, ce n'est pas qui a géré les fonds. Le résultat attendu est que, est-ce que la population burundaise a bénéficié des services en matière de lutte contre le VIH, en matière de lutte contre le paludisme et en matière de lutte contre la tuberculose? Voilà, c'était Dr Josiane Nijimbele. Concernant les 30 millions de dollars qui n'ont pas été utilisés, la ministre Nijimbele a répondu que des fonds alloués au pays n'ont jamais été utilisés à 100% pour le cas. La ministre de la Santé a expliqué que le démarrage du projet a traîné pour diverses raisons. Le Fonds mondial est au pays, au Burundi, depuis 2003. Si vous regardez la façon dont les fonds ont été consommés, c'est pas pour la première fois qu'il n'y ait pas de fonds consommés à la fin. On n'est même pas à la fin. Nous sommes au mois d'octobre. La fin, c'est au 31 décembre 2017. Alors, c'est au 31 décembre qu'on va déterminer avec le Fonds mondial exactement quels sont les fonds qui seront restés sur cette période. Et je vais vous signaler que dans ces 14 années que le Fonds mondial est au Burundi, les fonds alloués au pays n'ont jamais été utilisés à 100%. Et ceci, c'est dû à plusieurs mécanismes. D'abord, pour le démarrage de ce projet, il a traîné. Il y a eu, je pense, autour de 3 mois qui ont été perdus. Et quand vous perdez le temps, vous perdez aussi l'utilisation des fonds, ça c'est normal. Chaque fois qu'il y avait des fonds qui restaient, ces fonds étaient alloués alors à la subvention qui allait venir. Les raisons pourquoi, je pense qu'il faut alors voir les mécanismes d'utilisation de ces fonds, pas seulement pour l'année 2017. Et je pense que c'est le même cas. Il n'y a pas de problème. La solution sera trouvée. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h02 à Bujumbura. Le parti Frode Bunyakuri demande au gouvernement de retirer le dossier de l'assassinat du président Adaye Melchior sur l'agenda de la commission Vérité et Réconciliation pour le confier à la justice burundaise. Au cours d'une conférence de presse animée dans le cadre de la commémoration du 24e anniversaire de l'assassinat du président Adaye, le président de ce parti estime que la démocratie arrive à une étape avancée dans le pays. Mais Kefane Wizi indique que ce parti ne se réunifiera pas avec d'autres ailes du Frodebou puisque certains héritiers de ce parti se sont écartés de l'idéologie de Adaye, même s'ils s'en réclament toujours. Robin Niyonguru. Le président du parti, Frodebou Nyakuri Iragigyanda Daye, exclut toute possibilité de réunification avec les autres partis, ailes du Frodebou, dont le président Dadaye fut un des fondateurs. Kefani Wizi estime toutefois que la démocratie est à un stade avancé au Burundi, mais il estime que certains héritiers d'Ondadaye ont trahi son idéologie. Nous avons constaté que certains héritiers, dits héros de la démocratie, ont déjà emprunté des voies contraires à la démocratie. Est-ce que pouvons-nous nous donner la peine de s'unir avec ce genre d'homme politique? Là, il faut s'interroger. Kefani Wizi demande au gouvernement d'enquêter s'il n'y aurait pas une main des pays étrangers dans l'assassinat du président Adaye. Il souhaite aussi que ce dossier soit poursuivi par la justice et non par la commission Vérité et Réconciliation. Le cas de son excellence, Melchior Ndadaye, est singulier. En effet, c'était un président de la République qui jouissait d'un mandat populaire. Il a été arrêté au vu et au su de tout le monde, conduit dans un camp militaire à la vue de tout le monde, assassiné de façon ignoble. Pour lui, seuls les exécutants ont été condamnés. Il demande que soient aussi poursuivis les commanditaires. Les exécutants ont été déjà condamnés. Pourquoi ne pas chercher les commanditaires? Donc, il faut dissocier, je l'ai dit et je le répète, qu'il faut dissocier le cas de l'assassinat de Melchior Ndadaye d'autres crimes de masse qui ont suivi. Parce qu'il s'agit d'un cas singulier. Par ailleurs, il s'agit d'un cas qui a conduit à d'autres maux nombreux, donc il fallait d'abord trancher. À propos de la crise actuelle, Kefani Wizi demande que le médiateur puisse clôturer le dialogue afin de préparer les prochaines élections. Niyonguru et l'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits appellent à la communauté internationale d'aider le Burundi et la commission Vérité et Réconciliation dans la recherche de la vérité sur les crises répétitives qui ont endeuillé le Burundi. La présidente de cette association, qui s'exprime à la veille de la célébration du 24e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, demande que tous les planificateurs des événements malheureux qu'a connu le pays depuis son indépendance répondent de leurs actes devant la justice. Suivez plutôt Epiphanie Kabushemeyenamwana, présidente de la VOD. Les Burundais, d'une manière générale, et les familles des victimes en particulier, ont le droit de mémoire. Ont le devoir de mémoire, tandis que le gouvernement et la communauté internationale ont le devoir de faire la lumière sur ce passé douloureux. Le pansement et la reconstruction des cœurs ne sont envisageables que par la connaissance de ce qui s'est passé. Avant de s'inscrire en faux, contre le silence et le blackout qui ont été entretenus autour de ces crises. Elle préconise et soutient des efforts qui visent à recouvrer la vérité sur le passé douloureux du Burundi. Les concepteurs et les exécutants de ces violations massives des droits de l'homme doivent être connus. La VOD aussi demande que les procès qui concernent les victimes de l'intolérance ethnico-politique qui ont été suspendus, que la suspension soit levée et que les procès qui ont été bafoués soient révisés. AVOD demande aussi au pouvoir public de penser à la réparation. Les crises sociopolitiques ont entraîné non seulement la perte des vies humaines, mais aussi la destruction des infrastructures, mais aussi des biens privés comme des maisons ou autres biens. Et pour rester sur ce dossier de la commémoration du 24e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, le Parti Alliance pour la Paix, la Démocratie et la Réconciliation, APDR, déclare que c'est une triste réalité de voir l'assassinat de sauvage de ce héros et condamne fortement les tueries qui ont suivi. Dans un communiqué sorti ce vendredi, ce parti demande que les dirigeants actuels soient dotés d'un esprit d'équipe et du partage dans le but de suivre et de respecter l'héritage laissé par ce héros. Il sollicite un autre gouvernement de trancher la justice à toute personne impliquée dans cet assassinat et souhaite que la justice soit faite dans l'immédiat pour que toutes les personnes impliquées dans ces assassinats répondent de leurs actes ignobles. Dans la suite de ce journal, aucune autre association n'a le droit de collecter les immondices dans la ville de Bujumbura si cette dernière ne fait pas partie de la liste des coopératives et associations qui ont été retenues par la mairie. Ces déclarations est du maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, qui l'a dit ce vendredi au cours d'une réunion de présentation entre les représentants de ces coopératives et les administratifs de la mairie. Alida Naiket. Les 14 associations et coopératives qui vont enlever les immondices dans les ménages de la ville de Bujumbura sont connues et ont déjà passé en accord avec la mairie. Aucune autre n'est permise de faire ce travail, comme l'indique le maire de la ville de Bujumbura en présence des administratifs. On a eu beaucoup de discussions avec les associations qui enlevaient les immondices dans la ville de Bujumbura pour leur faire comprendre que les contrats ont changé. Maintenant, nous nous sommes compris. Vous allez travailler seulement avec ces 14 coopératives et associations que nous venons de vous présenter. Vous avez plein pouvoir pour interdire à toute association qui n'a pas l'aval de la mairie. Nous prendrons des mesures irrelatives pour les associations qui ne seront pas en règle. Pour qu'il y ait une bonne collecte de ces déchets, Freddy Mbonima a indiqué que les associations et coopératives devront passer en accord de partenariat avec les services techniques municipaux. En principe, le dépotoir officiel se trouve à Mbouboné et c'est les services techniques municipaux qui doivent s'en occuper. Donc, les gens qui doivent absolument faire ce travail doivent passer par les services techniques municipaux pour faire un contrat de partenariat. Ils doivent payer par mètre cube l'argent en rapport avec ces déchets. Le contrat, c'est pour qu'ils puissent payer régulièrement. Freddy Mbonima a ajouté également que lors des fouilles et perquisitions qui se feront dans la ville de Bujumbura, les chefs de ménage devront montrer les contrats qui les lient avec ces associations. Les 14 associations qui ont été retenues, 13 parmi elles vont travailler dans les deux communes de la ville de Bujumbura et l'association Bisiko, c'est elle seule qui va s'occuper de la commune Mukadza. Merci Alida Ndaikeza. Dans les nouvelles des provinces, certains élèves rapatriés des camps de réfugiés en Tanzanie affirment n'avoir pas eu de difficultés pour leur réinsertion scolaire. Dionyse Ngenzebuhoro de la commune Nyabitsinda en province Ruyigi est rentré après une année de vie de réfugié. Il précise que personne ne l'a malmené au sein de ce lycée. C'est un reportage de Mireille Kanyang. Ngenzebuhoro Dionyse est un jeune homme. Il est en première scientifique B au lycée communal Nyabitsinda dans la province Ruyigi. Il a fui sa région natale en juillet 2016 alors qu'il fréquentait la troisième scientifique, puis il dit avoir continué ses études au camp de réfugiés de Mutenderi en Tanzanie. De retour après une année, comment a été l'accueil à son ancien établissement? La réponse avec Dionyse Ngenzebuhoro. Ce que précise cet élève rapatrié est confirmé par Dieudonné Nidu Kingira, de la même classe de première scientifique B. De son côté, le directeur communal de l'enseignement en commune Nyabitsinda place la réussite de cette réinsertion scolaire au niveau de la tradition d'hospitalité des Burundais. Onesfort Zabiyumva, les rapatriés de la commune Nyabitsinda, affirment cohabiter pacifiquement avec ceux qui sont restés dans la région. Merci Mireille Kanyang et c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à tous, Mitebouzi, pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Douimana, un bon après-midi.